19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. La préhistoire a ses histoires et c'est l'une d'elles que nous allons vous conter. Celle d'un mystère qui mélange tout à la fois le Périgord et la Seconde Guerre mondiale, la Russie et les temps hantés diluviens. Celle aussi d'une femme, aujourd'hui disparue, mais pour laquelle aucun avis de recherche n'a été lancé. Des histoires de préhistoire, j'en connais quantité. Elles constituent d'ailleurs une part de notre histoire des sciences. Mais celle-ci m'était totalement inconnue et je la dois à la lecture du bulletin de la Société préhistorique française, le journal des préhistoriens. Aujourd'hui, un archéologue traque cette belle dame et à défaut de l'avoir découverte, on a toutefois retrouvé la piste. Laurent Claric, bonsoir. Bonsoir. Préhistorien, spécialiste de technologie lithique et notamment du paléolithique supérieur, dont le gravétien, vous êtes chargé de recherche au CNRS dans l'UMR Préhistoire et Technologie à Nanterre. Vous êtes ce soir dans nos studios pour nous conter l'aventure de la Vénus de Berlin, mais pour cela, notre point de départ se devait être le Périgord. Laurent Claric, au cœur de la Dordogne, juste en face du château de Comarque. L'abri de l'Ocelle est un site mondialement célèbre ? Oui, bonsoir. Absolument, c'est un site extrêmement célèbre depuis le début du XXe siècle, puisque c'est là donc qu'ont été trouvés les premiers bas-reliefs de l'humanité, en tout cas de l'humanité préhistorique en France. Alors ce bas-relief le plus célèbre, c'est bien sûr la Vénus à la corne ? Oui, absolument, la Vénus à la corne, c'est sans doute la figure la plus connue, parce que la plus aboutie, celle qu'on voit partout sur les livres, mais il en existe plusieurs autres, dont la Vénus de Berlin. Et cette Vénus à la corne, qu'est-ce que c'est que cette corne qu'elle tient ? Ah, ça c'est une bonne question, alors il y a plusieurs interprétations là-dessus, donc corne de bovidée, corne de capridée, on ne sait pas très bien, il y a des encoches dessus, à quoi ces encoches correspondent. Un instrument de musique, voilà. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été émises, après c'est difficile d'être absolument certain évidemment. Alors mise au jour en 1894, le site de l'Ocelle a surtout été fouillé dans les années 1900 par un docteur. Oui, c'est ça. Alors, fin 19e, on connaît déjà le site. Émile Rivière fait des fouilles dessus. Il y trouve notamment du solutréen. Mais il faut attendre les fouilles donc commanditées par le docteur Lalanne, qui était un médecin aliéniste qui travaillait à Bordeaux, au Bouscat, donc à la clinique qu'il avait au Castel d'Andort. Et il était passionné, entre autres, de préhistoire. Et donc, il décide de commanditer des fouilles. Il ne les dirige pas lui-même, évidemment. Il fait appel à un contremaître qui va s'occuper donc de la fouille. Aujourd'hui, ces collections sont peu étudiées encore et un peu éparpillé à travers le monde ? Peu étudié, c'est en fait assez paradoxal parce que les Vénus, elles, auront été beaucoup étudiées, beaucoup commentées. Évidemment, ce sont les pièces les plus prestigieuses du site. Mais en revanche, les collections, et notamment lithiques et osseuses, elles ont été beaucoup moins, j'allais dire, mises à contribution. Elles ont été publiées de manière posthume au docteur Lalanne par l'abbé Buissoni qui était son ami et son collaborateur sur ce projet. Et malheureusement, depuis, il n'y a eu pratiquement aucun travaux dessus. C'est un site qui a été malheureusement fouillé un peu vite et donc les collections sont considérées comme peu intéressantes parce que très trié, probablement. Laurent Claric, vous avez retrouvé les clichés et notes de fouilles. Le sol est un abri gigantesque, fouillé avec des méthodes de l'époque. Pelle-pioche, allons-y. Oui, pelle-pioche. Alors, j'ai retrouvé, disons qu'une partie des fouilles, enfin une partie, pardon, des archives du docteur Lalanne ont été données par sa famille avec les statues. Les sculptures plutôt, et donc il existait déjà au musée d'Aquitaine, qui en est le dépositaire, la plus grosse collection relative à l'Ocelle. On a fait une découverte qui date de ces deux dernières années, et que je veux ici évoquer, d'un complément d'archives qui avait été sauvé sauvé dans une vente aux enchères parce que la famille du docteur Lalanne n'avait pas tout donné. Et c'est Francis Chabot, donc un préhistorien de cœur que je salue ce soir, qui a récupéré ces archives et qui a accepté qu'on les numérise pour les déposer en complément au musée d'Aquitaine. Donc ça a permis de porter un éclairage extrêmement important sur ce qui s'est passé, sur les conditions de fouille. Alors évidemment, pelle-pioche, hein, c'est du cubage. L'abri fait 100 mètres de long, c'est quand même, vous imaginez, c'est extrêmement grand. Combien d'épaisseur? Parce que quasi toute la préhistoire est recensée dans ce site. Alors, c'est 5 à 6 mètres de stratigraphie. Et puis surtout, ça s'étend de la paroi de l'abri vers la beune donc, qui passe en bas. Mais c'est plus de 20 mètres où on trouve des vestiges archéologiques. Donc c'est un site énorme, colossal. Et il est fouillé en à peine 6 ans. Et encore pas en permanence, et par une équipe de 6 à 7 fouilleurs. Voilà, donc c'est un cubage extrêmement rapide et extrêmement violent, avec des méthodes... Il y a de la fouille en sape, hein, ils font un tunnel à un moment, enfin bon, c'est impensable aujourd'hui. Vous avez réussi à retrouver l'endroit exact de la Vénus à la corne sur les photos donc d'archives? Alors, pas sur les photos. On avait des photos de la Vénus en place, mais très peu d'eux, et elles étaient assez peu éclairantes, en fait, sur le contexte général. Il y avait des plans qui avaient été réalisés, mais plutôt des schémas que des plans. Donc, on a une idée assez précise, même de l'endroit où la Vénus à la corne et les autres ont été trouvés. Ceci dit, le travail qu'on a fait, donc, dans le cadre du projet collectif que je dirige, a permis de montrer que dans les publications qui ont eu lieu postérieures, elle est indiquée à un endroit, et en fait, elle n'est pas à cet endroit, elle est un petit peu ailleurs. Voilà. Si la Vénus à la corne est la figure la plus emblématique du site, 4 autres bas-reliefs ont été découverts? Oui, alors, 4 autres bas-reliefs, et puis beaucoup d'autres sculptures également. Alors, les 4 principaux bas-reliefs, hein, c'est la carte à jouer, qui a été trouvée un petit peu avant et qui vient plus haut dans la stratigraphie, un petit peu plus haut. Le chasseur, la femme à la tête quadrillée, et donc la Vénus dite de Berlin. Femme à tête quadrillée, donc une coiffe possible? C'est ce qu'on évoque en général pour ces quadrillages qu'on rencontre sur les Vénus ou les statuettes féminines. On en a dans plusieurs sites, un peu partout en Europe d'ailleurs. Comment se fait-il que cette Vénus dite de Berlin ait été vendue en 1912? Alors j'ai envie de répondre, business is business. À l'époque, les biens archéologiques et culturels n'étaient pas protégés de la même manière qu'ils le sont aujourd'hui, et donc le commerce des antiquités était florissant. La Dordogne, c'était une espèce d'Eldorado pour ça. Il y avait des sites partout. Il suffisait de se baisser pour ramasser les œuvres et les silex. Alors le commerce de silex était très courant. Mais la Vénus de Berlin a été détournée par le contremaître de la fouille, donc qui était Raymond Pérille, et revendue frauduleusement en secret en Allemagne. Donc elle a atterri au musée de Berlin. Et cette statue aurait été même maquillée? Oui, un peu comme une voiture volée. Elle a été apparemment enduite de graisse et probablement d'ocre, passée au four pour lui donner un aspect plus patiné, plus ancien. C'est en tout cas la manière dont l'histoire est relatée. Et elle a été nettoyée postérieurement, je pense, au musée de Berlin, puisqu'on en a une photo où la pièce apparaît apparemment, j'allais dire, on a juste la pierre apparente. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Raymond Pérille aura un procès donc pour avoir vendu à l'Allemagne ce bel objet. Oui, parce que dans un petit village comme les Aisignes, les choses, les histoires circulent vite, et il a donc effectivement été arrêté. Le docteur Lalanne a eu vent de l'affaire par divers canaux et a donc mené sa petite enquête. Il a pu vérifier qu'effectivement cette statue avait été détournée et vendue. Il s'est même rendu en Allemagne au musée de Berlin pour constater la statue et discuter avec le conservateur, le professeur Schuchart, qui avait acquis donc cette statue. Donc Raymond Pérille sera emprisonné, il aura un procès et sera effectivement condamné, mais à une peine plutôt légère. Il n'est pas condamné pour vol, curieusement. Non, il n'est pas condamné pour vol parce que il intercède quelque part auprès du docteur Lalanne en arguant du fait d'une situation familiale difficile des suites de son emprisonnement. Et le docteur Lalanne, qui, je pense, était quelqu'un qui était plutôt une bonne âme, une belle âme, a intercédé en sa faveur, cette fois auprès du tribunal, pour que la peine soit légère. Et donc il a été condamné, Raymond Pérille, pour abus de confiance. Laurent Claric, la France réclamera officiellement cette perte capitale? Alors, dans un premier temps, en fait, le docteur Lalanne, lui, essaye de récupérer cette pièce. Il en appelle au bon, j'allais dire, à la bonne volonté du professeur Schuchart, donc du directeur du musée de Berlin, qui va, on va dire, louvoyer et attendre les résultats du procès. Et une fois que le résultat du procès est tombé, c'est une bataille juridique, en fait, qui s'engage. Et bataille juridique que va perdre en fait le docteur Lalanne, puisqu'en droit allemand à l'époque, une pièce acquise de bonne foi, sans en connaître l'origine, mais payée et acquise donc par un musée dans le cas présent, il n'y a pas obligation de la rendre s'il n'y a pas eu vol. Or, Perry est condamné pour abus de confiance. Et c'est ce petit twist en fait qui va permettre aux autorités allemandes de refuser la restitution de cette pièce. Et puis le musée de Berlin l'a acheté très très cher. Alors oui, c'est effectivement une pièce qui a été payée rubis sur l'ongle par le musée de Berlin. Elle est proposée d'abord à Bonn, au professeur Vervorn, Max Vervorn, qui malheureusement n'a pas les fonds pour la faire acquérir et qui la propose au musée de Berlin. C'est 15 000 ou 18 000 francs or, ça représente à peu près 60 000 euros aujourd'hui, donc c'est une vraie fortune à l'époque. Mais une fortune qui est encore très loin de ce que le musée de Berlin a payé pour les squelettes du Moustier et de Combe-Capelle, à Otto Hauser, qui ont été achetés à plus de 100 000 francs or. Voilà. Alors, Otto Hauser est un nom connu chez les préhistoriens. Ça a été quelqu'un qui a vraiment vendu beaucoup, un Allemand bien sûr, qui a vendu beaucoup d'objets. Alors oui, il a beaucoup écumé le Périgord à cette époque-là. Il fait réaliser beaucoup de fouilles. Enfin, il travaille un peu, c'est un peu un antiquaire quelque part. Hein. Il accumule le mobilier qui va ensuite proposer à diverses institutions. Donc, il a notamment, donc, oui, il est connu surtout pour avoir fouillé le Moustier et Combe-Capelle, où il exhume deux squelettes, dont un squelette de Néandertalien très célèbre. La Vénus de Locelle n'est pas la seule pièce à partir de France vers l'Allemagne. C'est le cas du poisson, de l'abri au poisson, toujours aux Aisies, qui a fait beaucoup de bruit. Alors, de la même manière, en fait, il y a toute une ambiance à l'époque autour de ces savants allemands qui travaillent en France et qui emportent ou qui vendent les choses en Allemagne. Donc le poisson est une affaire extrêmement importante. Ça arrive à peu près dans le même temps que la Vénus de Locelle, mais c'est plus médiatisé parce que grâce à l'intervention énergique, je crois que c'est Peroni, il me semble, la vente est interrompue. Alors ce n'est pas Hauser qui est l'auteur de cette vente-là, hein, de cette tentative de transaction. Mais donc la vente ne se fait pas et le poisson va rester. D'ailleurs, il y a encore les traces. Hein, on avait préparé son détachement. Et quand on va à l'abri au poisson, on voit encore les petits trous qui sont prêts à être mis en œuvre pour détacher la pièce. On dit que la population est même montée vers l'abri pour sauver le poisson. Oui, c'est ce qu'on raconte après légende, ça. Je ne sais pas. Lalanne meurt dans les années 1920, mais encore après-guerre, un archéologue se penche sur le sujet. Archéologue français, bien sûr. Alors, c'est le comte de Bégoin qui publie une lettre dans la SPF. Hein, on est juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le bulletin de la Société préhistorique française, dont je parlais en début d'émission. Voilà. Et le comte de Bégoin, c'est une figure éminente de la préhistoire, qui a beaucoup travaillé beaucoup dans le sud-ouest et qui était un des fervents supporters du bon droit du docteur Lalanne. Et donc, il évoque la possibilité qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on puisse demander restitution de cette pièce qui a été, selon lui, indûment acquise par le musée de Berlin. Ceci dit, il dit aussi, mais qu'est devenu le musée de Berlin ? Or, on sait que, malheureusement, il fut bombardé en février 1945. Vous connaissez l'histoire de la Vénus de Lamout, qui est une autre histoire, en Dordogne, et qui aurait, elle aussi, atterri dans un musée, mais un musée américain ? Alors oui, c'est une Vénus qui a fait un peu de bruit à un certain moment, les années 90 notamment, puisqu'elle est vendue à un musée américain, musée de Minneapolis, si je me trompe pas. Et pour un prix important, je crois qu'on parle de 40 000 dollars, quelque chose comme ça. Et elle a été expertisée, et je crois que les collègues qui ont expertisé ça pensent qu'il s'agirait plutôt d'un faux. Ils sont convaincus à au moins une bonne part, en tout cas. Il s'agirait d'un faux, voilà. Revenons à notre Vénus de Berlin. Comment était cette Vénus ? Il s'agit visiblement d'un bas-relief. Alors oui, elle est trouvée, contrairement à la Vénus à la corne, qui elle est trouvée vraiment sur un bloc qui fait plusieurs tonnes, la Vénus de Berlin, comme les autres bas-reliefs qui sont trouvés à l'Ocel, sont trouvés sur des gros blocs. Elle fait 40 cm sur 40 cm et une vingtaine de centimètres d'épaisseur à peu près. Donc c'est quand même pas quelque chose qu'on met dans sa poche pour se promener. Et puis donc elle est piquetée et travaillée avec diverses techniques. Mais elle est un peu moins soignée dans son aspect que la Vénus à la corne. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Alors ce qui est intéressant, Laurent Claric, c'est que ces Vénus appartiennent tout ou presque à une même culture un peu particulière qu'on appelle le Gravettien. Il y en a peut-être un petit peu aussi dans la période d'avant qu'on appelle le Régnacien. Oui, alors en fait... On va donner aussi les dates, parce que tout ça, c'est très important. D'accord. Alors en fait, c'est... Traditionnellement, on parle des Vénus, effectivement, dans le Gravettien, parce que c'est là où il y en a probablement le plus. Alors, on connaît d'autres représentations féminines postérieures, hein, dans le Magdalénien, notamment, en Europe centrale, mais elles sont différentes. Mais également... On en trouve aussi presque des prémices dans l'Aurignacien, période donc qui précède le Gravettien. 35 000 ans. À peu près. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'ont pas la même forme exactement, mais elles ont parfois des éléments communs. Je pense notamment à la Vénus de Hohlefels, qui elle a fait couler beaucoup d'encre. Hein, c'était une découverte majeure. Extraordinaire, petite Vénus en petite ivoire. Petite Vénus en ivoire, avec des formes opulentes, ouais. Etc. Mais des éléments qui sont aussi discordants. Voilà. Mais c'est à ce jour peut-être la Vénus qui évoque le plus celle du Gravettien qui vont lui suivre. On connaît aussi la Vénus de Galgenberg, par exemple, ou encore celle qui est peinte à Chauvet sur une stalactite, où on a simplement la forme des jambes, du pubis et des hanches qui est évoquée. Donc c'est un thème qui existe déjà, en fait, dans la période qui précède, mais qu'on n'a pas idée pour l'instant de la manière dont ça se corrèle avec la période suivante, d'autant plus que le phénomène des Vénus, finalement, il est plutôt connu dans des phases moyennes et récentes du Gravettien, et pas tellement dans sa phase ancienne. Donc vers 25 000, 22 000, la fin. Voilà, 25, 22 000. 25, on est dans ce qu'on appelle le Gravettien moyen. Alors, je parle ici en date brute carbone 14, hein, oui, voilà, oui. Non calibrée. Donc, traditionnellement, depuis les travaux d'Henri Delporte, on pensait que ces Vénus étaient plutôt attribuées à une phase donc du Gravettien moyen dite à Burin de Noailles, un type d'outil très particulier. Et également donc en Europe centrale et orientale, là cette fois, dans des phases plus récentes du Gravettien. Depuis 2018, vous retravaillez à l'Ocel. Et bien sûr, on le sait, le musée de Berlin a été bombardé le 3 février 1945, détruisant nuitamment le crâne de l'homme de Choucoutienne, le fameux synanthrope. Une information d'ailleurs que je tiens d'Yves Coppens. Que sait-on sur ce bombardement ? Alors, comme la date l'indique, hein, c'est un bombardement qui intervient plutôt à la fin de la guerre. Alors, pourquoi le musée de Berlin est bombardé ? Pas parce que c'est un musée, mais parce qu'il se trouve à côté de la chancellerie du Reich, en tout cas pas très loin. Et malheureusement, je pense que à l'époque, et en pleine guerre mondiale et complète, les bombardements américains étaient tout sauf des frappes chirurgicales. On est plus proche du tapis de bombe, donc ce qui explique que le musée ait été, un dommage collatéral. Il a notamment subi un incendie apparemment assez important, mais tout n'a pas été détruit. Les pièces majeures auraient été préventivement stockées dans l'éventualité justement d'un bombardement par le pouvoir nazi. Oui, alors c'est là que l'histoire devient intéressante, ou tout au moins qu'elle prend un peu de sel. C'est-à-dire que bien avant 39, en fait, le gouvernement nazi commence à prévenir les musées, les institutions qu'il faut mettre à l'abri, en prévision probablement d'un conflit. Et il y a toute une entreprise gigantesque réalisée par les conservateurs pour mettre en caisse, inventorier, stocker les collections. Et le musée de Berlin est évidemment en première ligne sur la question. Et le docteur Unverzagt, qui est le conservateur de l'époque pendant la Seconde Guerre mondiale, a œuvré dans ce sens-là. La Vénus de Berlin, à ce moment, disparaît. Que reste-t-il aussi des autres objets préhistoriques français, issus donc de séries achetées plus ou moins en France et partis en Allemagne ? Alors, c'est assez compliqué parce que sur le musée de Berlin, il y a plusieurs étapes de ces mises en caisse d'objets et de biens culturels. Mais le professeur Unversack fait dresser une liste avec des priorités. Et dans les notes qu'il a laissées derrière lui et les témoignages qu'il a donnés en étant interrogé après, et dans les notes qui ont été également reprises par sa femme après sa mort, il indique très clairement que la Vénus de Berlin, qu'il appelle la Frau von Lossel, fait partie des trésors inestimables du musée, au même titre, par exemple, que le trésor de Priam ou que l'hôtel de Pergame, alors qui lui est évidemment monumental. Donc ça fait partie de ces pièces extrêmement rares, payées très cher, et également évidemment les squelettes du Moustier et de Combe-Capelle, qui sont prioritairement rangés dans des caisses, stockés d'abord dans les sous-sols du musée, puis déplacés à la Banque de Prusse, et enfin encore déplacé au bunker de la Flakturm du Zoo de Berlin. Le fameux Zoo de Berlin. Le fameux Zoo de Berlin. Alors les Flakturm, je sais pas si vous imaginez, c'est des espèces de bunkers gigantesques avec des tours anti-aériennes sur le sommet, un hôpital à l'intérieur et donc une réserve où sont stockées ces pièces-là. Dans l'Allemagne nazie vaincue, on connaît la recherche d'œuvres d'art par les services américains. L'armée rouge, elle aussi, est accompagnée de spécialistes de la sorte. Alors oui, les Américains, on les connaît bien mieux maintenant grâce à George Clooney qui a popularisé cette histoire des Monument Men. Alors en fait, c'est assez compliqué. Il y a, je pense, à peu près toutes les armées ont des services plus ou moins qui s'occupent de ces biens. Alors les Américains ont effectivement un beau rôle, celui des vainqueurs évidemment. Les Soviétiques sont également vainqueurs, ils prennent Berlin les premiers, ils entrent dans Berlin les premiers, et il y a des Trophy Brigades, donc les brigades des trophées, qui sont chargées, et qui ont été chargées, on va dire, bien avant la prise de la capitale allemande, de dresser des listes prioritaires de biens à récupérer pour compenser les pertes qu'ils avaient eues du fait de l'invasion allemande. Et donc ces Trophy Brigades vont écumer Berlin, le musée de Berlin, et notamment la Flakturm, le bunker où ils vont récupérer les collections les plus prestigieuses. Donc, nombre de collections sont saisies, semble-t-il ensuite stockées dans des réserves secrètes? Oui, alors, elles peut-être sont... Peut-être le meilleur exemple, c'est le trésor de Priam, donc. Alors, tout à fait, le trésor de Priam qui a défrayé la chronique dans les années 90, puisqu'il a été retrouvé, donc, issu des fouilles Schliemann, qui avait donc été acquise par le musée de Berlin. Ce trésor, essentiellement composé de bijoux, de vases et de divers objets précieux, en métal précieux, donc, disparaît à peu près à ce moment-là. Il fait en fait partie des grands trésors que le professeur Unversack va garder jusqu'au dernier moment et évidemment donner aux autorités russes de manière à ce qu'il y ait une forme de continuité et de préservation et qu'elles ne soient pas perdues. Sauf que ces pièces, le trésor de Priam et d'autres, sont envoyés en Russie. Alors le trésor de Priam, lui, est parti par avion parce que c'était pas trop lourd. Hein, mais vous imaginez l'hôtel de Pergame, hein, on est en train de parler d'un hôtel monumental en pierre, hein, donc qui est démonté en deux jours par les Trophées Brigades et emmené en camion en direction de l'URSS, mais on ne sait pas où exactement. En tout cas, le fameux crâne néandertalien du Moustier, on le retrouve lui aussi. Oui, alors il fait partie, le crâne du Moustier et le crâne de Combe-Capelle, en fait, font partie de ces biens extrêmement précieux du musée de Berlin. Hein. Je rappelle juste, ils sont acquis pour plus de 100 000 francs or, donc c'est quand même partie des choses qui ont coûté beaucoup d'argent. Et le crâne est mis de côté, sauvé, mais pas les restes post-crâniens qui, eux, sont restés dans le musée. Qu'en est-il de la Vénus de Lossel ou de Berlin? A-t-elle, elle aussi, rejoint la Russie, ou du moins l'URSS? Alors, j'allais dire, jusque début des années 2000, en tout cas en France, on pensait qu'elle était détruite. C'est en tout cas ce qu'on voit publié dans à peu près tous les articles de synthèse qui traitent des Vénus, etc. Sauf qu'en fait, la réalité est un peu plus compliquée et notamment donc les Allemands et les autorités allemandes pensent, elles, au contraire, qu'elle a bien été saisie par les brigades des trophées et emportée en Allemagne. Et il s'appuie évidemment sur les notes du docteur Unversack. Il disait que pendant un certain temps, les choses étaient complexes. On ne savait pas s'il mentait plus ou moins sur ce qu'il en était exactement du devenir de ses collections. Parce qu'il a quand même pris le risque de garder ses collections à un moment où le régime nazi vacille. Il aurait pu être exécuté, tout simplement. On pense que aujourd'hui, ces pièces et d'autres qui ont disparu font peut-être partie des pièces qui ont été emportées en Russie, stockées dans des entrepôts secrets. Est-ce que vous avez quand même des éléments côté allemand comme côté russe? Alors oui, côté allemand, quand on a contacté donc les autorités du musée de Berlin, le directeur actuel et puis un conservateur qui est spécialisé dans le devenir des biens confisqués pendant la guerre, ils ont confirmé que pour eux, la Vénus de Berlin faisait partie des trésors qui ont été emportés. Il s'appuyait donc sur les éléments que j'ai déjà évoqués. Et d'ailleurs, il l'indiquait sur un cartel le cartel de description du moulage qui subsiste de cette Vénus, hein, puisqu'il y en a plusieurs moulages, heureusement, qui était affiché au musée de Berlin et qu'on pouvait d'ailleurs trouver photographié sur Internet. C'était un des éléments qui m'avait mis sur la piste, en fait. De l'autre côté, pour les Russes, c'est plus compliqué. Alors, on sait, parce que des archivistes russes ont publié un certain nombre de choses, notamment sur le trésor de Priam. Et c'est eux qui ont révélé, en fait, l'existence de ces caches secrètes. Alors, caches secrètes, pourquoi ? Parce que quand les pièces sont arrivées en Russie, assez rapidement, Staline a donné l'ordre de les mettre au secret et de ne mettre dans la confidence qu'un tout petit nombre de gens. Et de fait, ça n'a pas beaucoup filtré pendant des années. Il a fallu attendre la chute de l'Union soviétique pour que les choses se libèrent un petit peu. La pièce, la fameuse Vénus de Berlin, pourrait être par exemple au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg ? Alors ça, c'est une hypothèse qu'on trouve effectivement sur Internet. Est-elle vraie ? Alors, la première chose, je dirais que c'est, on parle du musée de Berlin, on parle du musée de l'Ermitage parce que c'est le plus grand musée national russe. Donc c'est effectivement, je veux dire, un peu, c'est l'équivalent du Louvre, en fait, pour nous. Maintenant, ça n'est pas une hypothèse, j'allais dire, qui est complètement crédible. Parce que assez probablement, ce musée est quand même très bien contrôlé. On en connaît beaucoup de choses. Les conservateurs sont très sensibles à ces questions sur les biens confisqués. Il y a eu des listes qui ont été dressées, etc. A priori, on n'a eu aucun retour, en tout cas, du musée de l'Ermitage là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un grand musée de la préhistoire en Russie qui aurait pu accueillir naturellement cet objet disparu ? Il y a plusieurs musées de préhistoire. Il y en a à Moscou, il y en a à Saint-Pétersbourg. L'Ermitage en est un. Un des plus grands, mais pour l'instant, les collègues russes contactés, en tout cas, aucun ne nous a indiqué avoir eu d'informations sur la présence possible de cette pièce, en tout cas dans les réserves de musée. Alors, je veux juste ajouter une chose, c'est-à-dire que on sait qu'elle a disparu, on sait qu'elle est probablement partie dans une caisse en camion en direction de la Russie. En période de guerre, ou en tout cas en fin de guerre, il a pu arriver énormément de choses. On sait aussi qu'à la chute de l'Union soviétique, on va dire que tout s'est libéralisé un peu vite, il y a cette période un peu particulière. Peut-être que certains dépôts ont été aussi pillés, que ces pièces ont pu se retrouver dans des collections privées. On n'en sait rien là-dessus, malheureusement, c'est extrêmement difficile de mener des enquêtes. La Russie est un pays, j'allais dire, il faut faire attention quand on pose des questions sur ces biens confisqués. Ils sont très, très, très, très, j'allais dire, tatillons là-dessus. Et d'ailleurs, il y a une loi qui date des années 90, je crois, qui explique que tous ces biens saisis ont été patrimonialisés. Donc aujourd'hui, c'est la propriété de la Russie. Donc il faut être extrêmement, j'allais dire, diplomate pour aborder ces questions là-bas. En tout cas, votre papier révèle l'existence de cette Vénus de Berlin. Vous espérez quand même que vous allez la retrouver ou qu'un chercheur russe la retrouve. On a l'espoir que oui, on sache qu'elle n'est pas détruite et qu'elle existe toujours. Mais j'allais dire, c'était mon espoir le plus fort, c'est celui-là, et qu'un jour elle ressorte. Alors si c'est, j'allais dire, de mon vivant et de ma carrière et pendant ma carrière, tant mieux. Maintenant, voilà, c'était un rappel un petit peu comme celui du comte de Bégoin, finalement. Laurent Claric, merci beaucoup et je rappelle donc que votre article est paru dans le bulletin de la Société préhistorique française et consultable en ligne. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Mathieu Leroux et bien sûr avec le concours de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France, mais aussi retrouver 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, place à l'Afghanistan et à l'archéologie afghane.